les enfants. Vous êtes des insolents. Oh, ça se peut bien. Oui, oui, nous tombons d'accord dans l'insolence. Ah, vous fâchez. Et voici ma réponse. C'est que si vous me nuisez, si vous n'êtes pas discret, je vous ferai expier votre indiscrétion dans un cachot. Vous ne savez pas qui je suis, je vous avertis que j'en ai le pouvoir. Si au contraire vous gardez le silence, je tiendrai toutes les promesses que je vous ai faites, choisissez. Quant à présent, retirez-vous, je vous l'ordonne. Madame. Et réparez votre faute par une prompte obéissance. Oh, que ferons, camarade? Elle me baille de la peur. Continuerons-je l'insolence? Non, car c'est peut-être le chemin du cachot et j'aime encore mieux rien que quatre murailles, pardon. J'ai bien fait de les intimider. Oh, vous voyez ce qu'ils agissent? Oh, je vous retrouve donc, Aspasie, et je puis un moment vous parler en liberté. Que n'ai-je pas souffert de la contrainte où je me suis vu? J'ai presque haï Hermocrate et Léontine de toute l'amitié qu'il vous marque. Oh, mais qu'est-ce qu'il ne vous aimerait pas? Que vous êtes aimable, Aspasie, et qu'il m'est doux de vous aimer. Oh, que je me plais à vous entendre dire, Agis. Vous saurez bientôt à votre tour de quel prix votre cœur est pour le mien. Mais dites-moi, cette tendresse dont la naïveté me charme, est-elle à l'épreuve de tout? Rien n'est-il capable de me la ravir? Oh non, je ne la perdrai qu'en cessant de vivre. Je ne vous ai pas tout dit, Agis, vous ne me connaissez pas encore. Oh, je connais vos charmes. Je connais la douceur des sentiments de votre âme. Rien ne peut m'arracher à tant d'attrait. Et c'en est assez pour vous adorer toute ma vie. Oh, Dieu, que d'amour! Mais plus il m'est cher et plus je crains de le perdre. Je vous ai déguisé qui j'étais. Ma naissance vous rebutera, peut-être. Hélas, vous ne savez pas qui je suis moi-même. Ni tous les froids que m'inspire pour vous la pensée d'unir mon sort au vôtre. Oh, cruelle princesse, que j'ai de raison de te haïr! Mais de qui parlez-vous, Agis? Quelle princesse haïssez-vous tant? Celle qui règne, Aspasie, mon ennemi! Et la vôtre? Oh, mais quelqu'un vient qui m'empêche de continuer! C'est Hermocrate que je vous hais de nous interrompre. Je ne vous laisse que pour un instant, Agis, et je reviens dès qu'il vous aura parlé. Non, ma destinée avec vous ne dépend plus que d'un mot. Vous m'haïssez sans le savoir pourtant. Moi, Aspasie? On ne me donne pas le temps de vous en dire davantage. Finissez avec Hermocrate. Oh, je n'entends rien à ce qu'elle veut dire. Quoi qu'il en soit, je ne saurais disposer de moi sans en avertir Hermocrate. Prince, il faut que je vous parle. Je ne sais pas où commencer ce que j'ai à vous dire. Quel est donc le sujet de votre embarras, Seigneur? Ce que vous n'auriez peut-être jamais imaginé. Ce que j'ai honte de vous avouer. Mais ce que toute réflexion faite, il faut pourtant vous apprendre. À quoi ce discours-là nous prépare-t-il? Que vous serait-il donc arrivé? Être aussi faible qu'un autre. Et de quelle espèce de faiblesse s'agit-il, Seigneur? Oh, de la plus pardonnable pour tout le monde. De la plus commune. Mais de la plus inattendue chez moi. Vous savez ce que je pensais de la passion qu'on appelle l'amour? Et il me semble que vous exagériez un peu là-dessus. Oui, oui, ça se peut bien. Mais que voulez-vous? Un solitaire qui médite, qui étudie, qui n'a de commerce qu'avec son esprit, et jamais avec son cœur. Un homme enveloppé de l'austérité de ses mœurs. N'est guère en état de porter son jugement sur certaines choses. Il va toujours trop loin. Ah, il n'en faut pas douter, vous tombiez dans l'excès. Vous avez raison, je pense comme vous. Car que ne disais-je pas que cette passion était folle, extravagante, indigne d'une âme raisonnable? Je l'appelais un délire. Et je savais ce que je disais, ce n'était consulter ni la raison ni la nature, c'était critiquer le ciel même. Oui. Car dans le fond, nous sommes faits pour aimer. Mais comment donc, c'est un sentiment sur qui tout roule? Un sentiment qui pourrait bien se venger un jour du mépris que vous en avez fait. Vous m'en menacez trop tard. Pourquoi donc? Je suis puni. Sérieusement? Faut-il vous dire tout? Préparez-vous à me voir changer bientôt d'état. À me suivre, si vous m'aimez. Je pars aujourd'hui et je me marie. Est-ce là le sujet de votre embarras? Il n'est pas agréable de se dédire et je reviens de loin. Et moi, je vous en félicite! Il vous manquait de connaître ce que c'était que le cœur. Je n'ai reçu une leçon qui me suffit et je ne m'y tromperai plus. Si vous saviez au reste, avec quel excès d'amour, avec quelle industrie de passion on est venu me surprendre, vous augureriez mal d'un cœur qui ne se serait pas rendu. La sagesse n'instruit point à être ingrat, et je l'aurais été. On me voit plusieurs fois dans la forêt. On prend du penchant pour moi. On essaie de le perdre, on ne saurait. On se résout à me parler, mais ma réputation est timide. Pour ne pas risquer un mauvais accueil, on se déguise. On change d'habit, on devient le plus beau de tous les hommes. On arrive ici, on l'est reconnu, je veux qu'on se tire. Je crois même que c'est à vous à qui on en veut. On me jure que non. Pour me convaincre, on me dit « Je vous aime ». En doutez-vous? Ma main, ma fortune, tout est à vous avec mon cœur. Donnez-moi le vôtre, guérissez le mien. Cédez à mes sentiments ou apprenez-moi à les vaincre. Rendez-moi mon indifférence ou partagez mon amour. Mon amour. Et l'on dit tout cela avec des charmes, avec des yeux, avec des tons, et qui aurait triomphé du plus féroce de tous les hommes. Mais seigneur, cette tendre amante qui se déguise, l'ai-je vue ici, y est-elle venue? Elle y est encore. Mais je n'y vois que Faucion. C'est elle-même. Non, dites-moi, c'est ma sœur. Oh, la perfide t'a-t-elle prétendu en me trompant? Je viens vous avertir d'une petite absence que je vais faire à la ville, mon frère. Et chez qui allez-vous donc, Léontine? Chez Frosine, dont j'ai reçu des nouvelles et qui me presse d'aller la voir. Ah, nous serons tous deux absents. Car je pars aussi dans une heure, je disais même à Agis. Vous partez, mon frère? Et chez qui allez-vous à votre tour? Les frères, rendre visite à... à Criton. Quoi? À la ville? Comme moi? Il est assez particulier que nous y ayons tous deux affaire. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit tantôt? Votre voyage ne cache-t-il pas quelques mystères? Oh, voilà une question qui me ferait douter des motifs du vôtre. Vous vous souvenez aussi des discours que vous m'avez tenus? Hermocrate, parlons à cœur ouvert. Tenez, nous nous pénétrons. Je ne vais point chez Frosine. Ah, dès que vous parlez sur ce ton-là, je n'aurai pas moins de franchise que vous. Je ne vais point chez Criton. C'est mon cœur qui me conduit où je vais. C'est le mien qui me met en voyage. Ah, sur ce pied-là, je me marie. Eh bien, je vous en offre autant. Tant mieux, Hermocrate. Et grâce à notre mutuelle confidence, je crois bien que celui que j'aime et moi, nous nous épargnons les frais du départ. Il est ici, et puisque vous savez tout, c'est pas la peine d'aller nous marier plus loin. Oh, vous avez raison, je ne partirai pas non plus. Nos mariages se feront ensemble, car celle à qui je me donne... Et d'ici, moi aussi. Je ne sais où elle est. Pour moi, c'est Faucion que j'épouse. Faucion? Oui, Faucion. Qui donc? Celui qui est venu nous trouver ici? Celui pour lequel vous me parliez tantôt? Je n'en vois point d'autre. Mais attendez donc... Je l'épouse aussi, moi. Nous ne pouvons pas l'épouser tous deux. L'épouser, dites-vous, vous n'y rêvez pas. Rien n'est plus vrai. Qu'est-ce que cela signifie? Quoi, Faucion, qui m'aime d'une tendresse infinie, qui a fait faire mon portrait sans que je le suce? Votre portrait, mais ce n'est pas le vôtre, c'est le mien qu'il a fait à mon insu. Mais ne vous trompez-vous pas, voici le sien, le reconnaissez-vous? Oh, tenez, ma sœur, en voilà le double. Le vôtre est en homme et le mien en femme, c'en est toute la différence. Où suis-je? En ce effet, je n'y saurais plus tenir. Elle ne m'a point donné de portrait, mais... Et je dois l'épouser aussi. Quoi? Vous aussi, Agis? Quelle étrange aventure. Je suis outrée, je l'avoue. Vous n'êtes pas question de... Je sens quelques dessins cachés. Attends-nous, Léontine, ne perdons point le temps. Il faut que cette fille s'explique et nous rende compte de son imposture. Ah, je suis au désespoir. Allez, voilà, donc partez, c'est important. Mais qu'avez-vous agi, vous ne me regardez pas? Que venez-vous faire ici? Et qui de nous trois doit vous épouser, d'Hermocrate, de Léontine ou de moi? Ah, je vous entends, tout est découvert. N'avez-vous pas votre portrait à me donner comme aux autres? Mais les autres n'auraient pas eu ce portrait si je n'avais pas eu dessein de vous donner la personne. Et moi, je sais d'Hermocrate, un dieu perfide, un dieu cruel. Je ne sais de quel nom vous appeler, un dieu pour jamais. Je me meurs. Alors, écoutez, cher Agis, écoutez-moi. Laissez-moi vous dire. Non, je ne vous quitte plus. Craignez d'être le plus ingrat de tous les hommes si vous ne m'écoutez pas. Moi? Que vous avez trompé. C'est pour vous que j'ai trompé tout le monde et je n'ai pu faire autrement. Tous mes artifices sont autant de témoignages de ma tendresse. Et vous insultez dans votre erreur au cœur le plus tendre qui fut jamais. Ah, je ne suis point en peine de vous calmer. Tout l'amour que vous me devez, tout celui que j'ai pour vous, vous ne le savez pas. Vous m'aimerez, vous m'estimerez, vous me demanderez pardon. Je n'y comprends rien. J'ai tout employé pour abuser des cœurs dont la tendresse était l'unique voie qui me servait pour obtenir la vôtre. Et vous étiez l'unique objet de tout ce qu'on m'a vu faire. Hélas, Aspasie, puis-je vous en croire? Dimas et Arlequin, qui savent mon secret, vous confirmeront ce que je vous dis là. Interrogez-les. Mon amour ne dédaigne pas d'avoir recours à leur témoignage. Ce que vous me dites là, est-il possible, Aspasie? On n'a donc jamais tant aimé que vous le faites? Ce n'est pas là tout. Cette princesse que vous appelez votre ennemie... Hélas, il est vrai que vous m'aimiez. Peut-être un jour vous fera-t-elle pleurer ma mort. Elle n'épargnera pas le fils de Cléomène. Je suis en état de vous rendre l'arbitre de son sort. Oh, je ne lui demande que de nous laisser disposer d'une autre. Disposez vous-même de sa vie. C'est son cœur ici qui vous la livre. Son cœur? Vous voulez oublier, madame? Je vous disais que vous ignoriez tout mon amour et le voilà tout entier. Oh, je ne puis plus vous exprimer le mien. Que vois-je? Agis à ses genoux! De qui est ce portrait-là? C'est de moi. Et celui-ci faut que vous êtes. De moi. Voulez-vous que je les reprenne et que je vous rende les vôtres? Il ne s'agit pas qu'ici de plaisanterie. Qui êtes-vous? Quels sont vos dessins? Je vais vous le dire. Mais laissez-moi parler à Corinne qui vient à nous. Nout-mec, je vous avertis qu'il y a tout plein d'albaliers en bas de nous jardins, et puis des soudards, et puis des carrioles dorées. Madame Aristo est arrivée. Allons, seigneur, avant de recevoir les hommages de vos sujets. Il est temps de partir. Vos gardes vous attendent. Vous, Hermocrate, et vous, Léontine, qui d'abord refusiez tous deux de me garder. Vous sentez les motifs de mes feintes. Je voulais rendre le trône à Agis et je voulais être à lui. Sous mon nom, j'aurais peut-être révolté son cœur et je me suis déguisée pour le surprendre, ce qui n'aurait encore abouti à rien si je ne vous avais pas abusé vous-même. Au reste, vous n'êtes point à plaindre, Hermocrate, je vous laisse votre cœur entre les mains de votre raison. Quant à vous, Léontine, mon sexe doit avoir déjà dissipé tous les sentiments que vous avez inspirés, mon artifice. Thank you.